Alors, vous êtes à l'antenne de CKRL au 89,1 et vous écoutez Futur Simple. On vous propose maintenant de prendre le large, direction la Tasmanie, au large de l'Australie pour aller à la rencontre du diable, le diable de Tasmanie. Alors, on y va en compagnie de Philippe Rioux. Bonjour Philippe. Bonjour, on va aller rencontrer malheureusement ce qu'il reste du diable là-bas. Oui, effectivement. Alors Philippe, ce diable-là, en fait, tout diable qu'il est, il est malade, il est atteint d'un cancer, un cancer contagieux qui pourrait bien le tuer. Oui, c'est vraiment, c'est assez triste tout ça. C'est le cancer, c'est quand même une maladie qui origine du mauvais fonctionnement de cellules, donc les cellules d'un organisme. C'est pas quelque chose qui est contagieux. C'est, en fait, c'est toi-même qui est malade. C'est pas, tu n'as pas attrapé rien. Non, c'est pas infectieux. C'est ça. C'est toi-même, en fait, qui est malade. Certains virus peuvent causer des cancers, par contre, donc d'un certain point de vue, certains cancers pourraient être considérés contagieux, mais c'est le virus qui cause le cancer, donc le cancer lui-même n'est pas directement contagieux. Sauf pour certaines très rares formes de cancer, comme le cancer contagieux facial, qui affecte en fait les diables de Tasmanie en ce moment. Mais comment un cancer peut-il être contagieux? Peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne? Ouais, les pauvres petits diables de Tasmanie sont victimes de beaucoup de malchance en ce moment. Il y aurait pour origine, en fait, un seul individu femelle qui aurait vécu en 1996. Et les diables de Tasmanie n'ont pas vraiment de grande variabilité immunitaire. Ce qui a ouvert la porte à cette maladie, dans le fond, c'est que les cellules cancéreuses sur un individu peuvent littéralement passer d'un animal à l'autre et se greffer, et ça n'enclenche pas, en fait, la réaction immunitaire. Normalement, un tissu étranger est vraiment attaqué par le système immunitaire. C'est pour ça qu'il faut utiliser des médicaments anti-rejet pour des greffes et des trucs comme ça. Si quelqu'un me grefferait un morceau de peau cancéreuse d'une autre personne, même si c'était pas une peau cancéreuse, juste un morceau de peau, mon système immunitaire l'attaquerait avec énormément de force, en fait. Mais les diables de Tasmanie sont un petit peu trop similaires entre eux. Et disons, la configuration aussi, en tant que telle, du cancer a permis d'éviter ce genre de défense-là. Et donc, c'est vraiment un coup de malchance. Toutes les tumeurs de ce cancer-là sont en fait la même souche. Si vous faites une séquence d'ADN, ils sont tous identiques et ils se le passent d'un à l'autre. En fait, on réalise encore une fois l'importance de la diversité quand même. Exact. Mais comment, en fait, les cellules cancéreuses font pour se transférer d'un individu à l'autre? Ben, pour amplifier leur malchance aux pauvres petits diables de Tasmanie, ils sont vraiment très agressifs entre eux. De manière naturelle, c'est des animaux qui vivent de manière sociale, mais qui ont des rapports sociaux un petit peu chaotiques et agressifs. Donc, ils se mordent le visage tout le temps. Donc, à l'apparition de du moindre conflit, ils se donnent des coups de dents, ils se donnent des coups de griffes. Et entre autres, pendant les périodes de reproduction, dans le fond. Et le cancer étant sur le visage, ils se mordent entre eux les tumeurs et se transfèrent le cancer facial d'un autre individu. Donc, vous avez les morceaux, dans le fond, vont créer des petites lésions. Et dans ces lésions-là, il suffit que d'un morceau de cellule qui va aller se greffer à l'autre. Et le cancer se transfère comme ça, dans le fond. Et qu'est-ce qui arrive au pauvre petit diable qui est ainsi infecté? C'est vraiment pas agréable, dans le fond. C'est pas joli, ce cancer-là. Si vous faites une recherche Google de cancer facial du diable de Tasmanie, vous allez trouver des images à lever le cœur, honnêtement. Ça commence par des petites lésions autour de la bouche, au point dans le fond de greffe, mais ça se répand très vite sur tout le visage. Ça domine le nez, le museau, la bouche, ça peut même aller par-dessus les yeux. En fait, ce cancer-là est capable littéralement de avaler des os. Donc, une partie complète du visage peut devenir une masse saignante et dégoûtante. Et ce qui est vraiment triste, c'est que la maladie est à 100% mortelle. Si elle commence, elle va tuer le diable infecté. Il n'y a aucune manière, il n'y a aucun individu qui est capable de combattre cette infection-là. C'est vraiment une condamnation à mort pour le petit diable, dans le fond. Et le cancer finit par tuer l'animal en l'empêchant de se nourrir ou en causant des infections graves au visage. Mm-hmm. Est-ce que l'espèce est en danger à cause de cette maladie, à cause de ce cancer? Oui, malheureusement, c'est ça le problème avec ce cancer-là, c'est que depuis 1996, la population de diables de Tasmanie est en forte régression. Il ne resterait que 30% de la population de 1996. 80% de la population de diables est affectée par le cancer. Donc, si je vous dis 80% de la population, c'est 80%-là ils vont mourir. Ah, c'est ça. Ils sont condamnés. Ils sont littéralement condamnés. Et si ça continue comme ça, on prédit que l'espèce serait disparue dans 25 ans à cause de cette maladie-là. Et en fait, la maladie a même changé les habitudes de vie des diables. Au lieu de se reproduire à l'âge de 2 ans, ils se reproduisent plus tôt parce que s'ils attendent, en fait, ils meurent. Donc, à 1 an, les femelles deviennent fertiles et ils ont d'habitude une seule portée et ensuite ils meurent. En fait, sensiblement, les diables en fait, ont besoin d'aide. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux? Comme par exemple, je ne sais pas, isoler ceux qui sont... Ben, on a essayé. Il y a eu des projets qui... En fait, ça a pris un moment avant de comprendre qu'est-ce qui se passait. Parce que c'est rare que dans la liste d'hypothèses valides, il y a cancer contagieux. Donc, les gens pensaient que c'était un parasite, un virus, nanana. En fait, les gens surtout se concentraient sur le virus parce qu'ils se sont dit c'est comme un cancer, mais c'est contagieux, donc c'est peut-être un virus. Mais finalement, c'est le cancer lui-même qui est contagieux. Mm-hmm. Et ça, c'est extrêmement rare. Il y a une maladie similaire, en fait, chez le chien, mais c'est vraiment pas reconnu, c'est pas vraiment vu souvent. Donc là, ce qu'ils ont réussi, en fait, c'est que ils ont essayé de faire des vaccins. Ils ont aussi tenté un petit peu en vain de juste enlever les individus qui étaient malades pour voir si ça pouvait éviter la propagation. Mais il faudrait des systèmes de surveillance extrême. Il faudrait filmer tous les diables de Tasmanie en permanence. Donc, ces efforts-là ont été vraiment en vain. Et le projet de vaccin n'a vraiment pas marché du tout, en fait. Donc, il n'y a aucune cure en ce moment en vue pour les diables de Tasmanie. Donc, le diable est condamné, si je... Si on fait rien, oui. Le dernier, à moins qu'à la dernière minute, ils évoluent d'une manière complètement insoupçonnée. Un miracle. Oui, exact, un miracle. Mais le dernier recours, il est en marche, en fait. Ils ont pris un groupe de femelles qui est semi-résistante. Ah, OK. Et ils ont utilisé pour démarrer une nouvelle population sur une île voisine. Il y a aussi des individus qui étaient non affectés, qui ont été transférés vers l'Australie dans un effort de conservation, plus ou moins désespéré, là, soyons honnêtes. Mais les meilleurs espoirs sont dans le groupe isolé, dans le but de recommencer à neuf un peu plus tard. Donc, malheureusement, le plan est presque d'attendre qu'ils meurent tous pour recommencer. Donc, c'est vraiment un glauque, tout ça. Oui, c'est un fait. Là, ça prend absolument une intervention humaine. Oui, tout à fait. Écoute, c'est vraiment triste, tout ça. Est-ce que ce type de cancer pourrait, à la limite, affecter les humains? Ben, c'est vrai que c'est triste, mais heureusement pour nous, les humains, on a une grande variété génétique pour nous protéger de ce genre de choses-là. Ça serait impossible, en fait, qu'un cancer littéralement... devienne contagieux. Une maladie cellulaire comme ça, qui pourrait se transférer d'un individu en l'autre, c'est presque impossible. Et ce cas-là met aussi en évidence, dans le fond, une arme que l'homme a pour se protéger des maladies. Et c'est notre capacité à changer notre comportement, en fait. C'est vrai. Parce que... Les diables de Tasmanie, ils sont agressifs et ils se mordent tout le temps. Ils peuvent pas vraiment changer ce comportement-là. Mais nous, en revanche, lorsqu'on comprend comment une maladie fonctionne et se transmet, on peut changer notre comportement pour la combattre. Par exemple, le sida. Quand on a compris que c'était transmis de manière sexuelle, on a informé les gens, on les a informés des dangers, on leur a dit « Hey, si vous avez des relations sexuelles avec des gens que vous connaissez pas, etc., protégez-vous. » Et on a permis, dans le fond, de diminuer l'étendue de la maladie, parce que le sida, c'est également une maladie incurable. Alors, si les diables de Tasmanie avaient fait tout simplement une espèce de réunion, puis ils s'étaient dit « Bon, là, faut arrêter de se mordre le visage. C'est un comportement inacceptable. Ils sont en train de nous tuer, mais ils sont pas capables de le faire. » C'est inné, c'est ça. Donc, les pauvres... Les pauvres diables sont malheureusement sans ressources. Alors, on va voir si l'homme, avec ses ressources, lui, de son côté, peut faire quelque chose, aider ce petit diable. Alors, merci beaucoup, Philippe. C'était très intéressant. Merci à vous. Alors, c'est l'heure des publicités, mais restez à l'écoute de CKRL au 89.1, car au retour, on vous parle du fameux chromosome Y, le chromosome de la masculinité.